Le pape est mort. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. Un nouveau pape, un nouveau pape. Un nouveau pape, un nouveau pape est appelé à régner. Un nouveau pape, un nouveau pape. À régner. Quel drôle de nom pour un pape, à régner. Quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas libellule ou papillon? Pourquoi pas libellule? Pourquoi pas libellule? The Pape is dead. The Pape is dead. The Pape is dead. The Pape is dead. All around the world se lamente. Le cœur des grenouilles is dead. Le pape est mort. Le pape est mort.